بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. Et donc, on continue à parler aujourd'hui, inshallah ta'ala, du hadith d'Abi Huraira qu'on a commencé hier, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort de Najashi le jour de sa mort. Et qu'il est sorti avec les compagnons radiallahu anhum, il est sorti avec eux jusqu'à Al-Musalla, le lieu de prière. Il les a mis en rang, et ensuite il a accompli la prière avec 4 takbirat. فَذَكَرْنَا بَعْضَ مَسَائِلِ هَذَا الْحَدِيثِ. On a cité certains sujets qui sont liés à ce hadith. وَنُوَاصِلِ الْيَوْمِ. Aujourd'hui on continue. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَسْأَلَةُ صَلَاتِ الْغَائِبِ. Il y a dans ce hadith le sujet de la prière mortuaire concernant celui qui est absent. Le mort qui est absent. Son corps n'est pas présent devant nous. Pouvons-nous prier comme tel? Pouvons-nous accomplir une prière mortuaire alors que le mort, son corps, n'est pas présent? Ikhtalafat al-ulama fi dhalik. Les savants ont divergé en cela. Fastadal al-Shafi'i wa Ahmad. ومعهما الظاهرية بهذا الحديث على الجواز مطلقا. الشافعية, donc l'école Shafi'ite ainsi que l'école Hanbalite et aussi l'école Zahirite avec eux, ils se sont appuyés sur ce hadith, ils se sont basés sur ce hadith pour dire qu'il est permis de faire cette prière de façon absolue. Et donc de façon absolue, on peut prier sur une personne qui a été absente. Qui est absente. C'est-à-dire, exemple, une personne qui meurt ici en France, et donc que son corps va être transporté en Algérie. Il est transporté en Algérie, là-bas il y a toute sa famille qui prie sur lui, mais on dit, Malich, nous aussi on fait prière mortuaire, allons-y. Et donc on fait la prière mortuaire sur lui. Il n'y a pas de condition en cela. Donc ça, c'est l'avis de Al-Hanabila, l'avis qui est connu de Al-Hanabila, Al-Shafi'iyya et aussi Al-Zahiriyya. وَكَذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ أَكْوَالِ الْحَنَابِلَ فِي هَذِي الْمَسْأَلَ أَنَّ صَلَاتَ الْغَائِبِ جَائِزَةٌ لِذِي شَأْنٍ وَقَدَمِ صِدْقٍ. Et donc parmi les avis de l'école Hanbalite, et donc on a aussi un deuxième avis de l'école Hanbalite, ils nous disent que cette prière, elle est permise. Pour celui, il est permis de la faire pour celui qui a un rang élevé et qui est connu comme ayant fait du bien. La Houssa Abiqa, il est connu comme ayant fait du bien. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ اخْتِيَارُ الإمام هو الاختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Et cet avis est l'avis qu'a choisi le Cheikh السعدي رحمه الله. ومن أدلة هذا القول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مات اليوم رجل عظيم أو رجل صالح. Parmi les preuves de cet avis, les preuves qui montrent qu'on peut prier, accomplir cette prière pour un homme qui a un rang élevé, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la mort de Najashi, et il dit aujourd'hui un homme pieux est mort. Aujourd'hui un homme pieux est mort. Et donc ils nous disent ça montre que cette prière là on la fait pas pour n'importe qui. Celui qui a un rang élevé, pourquoi? Parce que là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de la piété de cet homme. وهذا القول في الحقيقة غير صحيح. Et cet avis en réalité il n'est pas juste. Il n'est pas juste. لأن النجاشي ليس بصحابي. Car النجاشي ce n'est pas un compagnon. آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إلى المدينة. Il a cru, il a foi au prophète صلى الله عليه وسلم, mais n'a pas émigré à Médine. Il n'a pas rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أعظم شأنا منه. Et donc les compagnons, ils ont un rang plus, bien plus élevé que lui. Les compagnons du prophète ont un rang bien plus élevé que النجاشي. طيب مات كثير من الصحابة وبعضهم ماتوا في أماكن بعيدة عن المدينة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة الغائب. Beaucoup de compagnons sont morts. Certains sont morts loin de Médine. Et il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accompli la prière mortuaire sur eux. Alors qu'ils ont un rang plus élevé que An-Najashi. Et donc cet avis n'est pas correct. Cet avis n'est pas correct. Qui dit que celui qui a un rang élevé, on peut faire la prière mortuaire sur lui. Non, parce qu'il y a des compagnons qui avaient des rangs bien plus élevés que An-Najashi. Et le prophète n'a pas prié sur lui. Sur eux. Du moins, il n'a pas fait la prière salat al-ra'ib, la prière du mort qui est absent. Wa qala akharun inna hadhihi salat khassatun bin Najashi. Et d'autres savants, ils nous disent cette prière, elle est spécifique et propre à An-Najashi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite pour lui. Khalas, la porte elle est fermée, c'est que pour lui. وهذا القول كذلك غير صحيح. Et cet avis aussi n'est pas correct. Pourquoi? لأن الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التأسي بها. Parce que la base concernant les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses actes, la base concernant tout cela, c'est le fait de les suivre, le fait de le suivre lui, التأسي به. Le fait qu'on le prenne lui comme exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa idha ja'a dalil yubayyinu al-khususiyya. Sauf s'il y a une preuve qui montre que ça c'est spécifique et c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il n'y a pas cela. Donc, la base c'est que nous, il nous est permis de le faire. Mais quand? Et sous quelles conditions? Est-ce que c'est comme on a cité dans le premier avis que c'est permis de façon absolue? Ou est-ce qu'il y a certaines conditions? فَقَالَ أَخَرُونَ أو فَقَالُ أَخَرْ عِنْدَ الْحَنَابِلَ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ صَلَاةَ الْغَائِبِ تَجُوزُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي حَالَةِ النَّجَاشِ. Un autre avis. C'est un autre avis encore chez les Hanabila, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Taymiyyah ainsi qu'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ala al-jami'. Cet avis stipule que cette prière est permise pour toute personne qui est dans le même cas que An-Najashi. Dans le même cas que An-Najashi, c'est-à-dire lam yusalli alayhi ahadun min al-muslimin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun musulman qui a prié sur lui. Mais était wa lam yusalli alayhi ahadun min al-muslimin. Il est mort et aucun musulman n'a prié sur lui. Kana an-Najashi inda an-Nasara. Il était auprès des chrétiens, an-Najashi. Il n'est pas mort avec des musulmans autour de lui. C'était des chrétiens. Fan-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ukhbira bi-mawtihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de sa mort. Fahina idin yajibu tajibu as-salat alayhi. À ce moment, il est obligatoire de prier sur lui. Pourquoi? Nahnu qad ra'ayna bil-ams salat al-janaza. Fardu kifaya. On a vu hier la prière mortuaire est une prière qui est obligatoire, qui est une obligation communautaire. Il est obligatoire que certains musulmans l'accomplissent. Si personne ne fait cette prière, on est pécheur. Et donc on sait que quelqu'un est mort dans un endroit où il n'y avait pas de musulmans qui ont prié sur lui. Khalas, il nous est obligatoire de le faire. Il nous est obligatoire de le faire. Wa hadha al-qawl huwa ar-rajih. Inch'Allah ta'ala. Et cet avis est l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Wa fil hadith, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kabbara arba'an. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli 4 takbirat. Et donc, est-ce que dans la prière mortuaire, on accomplit 4 takbirat ou plus? Qu'est-ce qu'on fait? فقد جاء في ذلك عدة أحاديث. Il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés en cela. منها ما يدل على أربع تكبيرات كما ذكرنا. Il y a certains hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a accompli la prière mortuaire, il a fait quatre takbirat. Et donc quatre fois le fait de dire Allahu Akbar en levant les mains. وهذه الأحاديث هي أكثر الأحاديث الواردة في صلاة الجنازة. Et donc الصلاة على الميت. Et ces hadiths qui stipulent quatre takbirat, ce sont les hadiths les plus nombreux qui ont été rapportés concernant la prière mortuelle, la prière mortuaire. وكذلك جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في آخر حياته. Et aussi il y a des textes qui montrent que le prophète a prié comme cela, a fait quatre takbirat à la fin de sa vie. لكنه جاءت أحاديث أخرى. Cependant, il y a d'autres ahadiths qui ont été rapportés. جاء مثلا أنه كبر خمسا وستا وسبعا. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cinq takbirat dans la prière mortuaire. Aussi six takbirat et sept encore. فقالت العلماء هذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. Les savants, ils ont dit que cela montre que c'est permis de choisir le nombre de takbirat que tu vas faire parmi ceux qui ont été rapportés. Tu fais 4, 5, 6, 7. La baisse à fidélik. Il n'y a pas de mal en cela. ولكن الذي استقر عليه الناس أنهم يكبرون أربعا. Cependant, ce qui est répandu chez les gens, c'est qu'ils vont faire quatre takbirat. Ils vont faire quatre takbirat durant la prière mortuaire. Qu'est-ce qu'ils récitent et qu'est-ce qu'ils disent après chaque takbirat? Ça, on le verra, inshallah ta'ala, plus tard. بإذنالله تعالى. الحديث الثاني. Et donc, le deuxième hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah, il nous dit عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. Le deuxième hadith que nous cite l'auteur rahimahullah, selon Jabir رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a accompli la prière mortuaire sur النجاشي. Et Jabir, il nous dit, et j'étais dans le deuxième ou le troisième rang. Et donc il y avait plusieurs rangs. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على استحباب جعل الصفوف ثلاثا أو ثلاثة في الصلاة على الميت. Certains savants, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il est recommandé de faire trois rangs durant la prière mortuaire. Ils disent même s'il n'y a pas grand monde. Même s'il n'y a pas grand monde, il est recommandé de faire trois rangs. Pourquoi ? Par rapport à ce hadith. ولكن الصحيح أن الحديث لا يدل على ذلك. Cependant, ce qui est plus juste, inshallah ta'ala wallahu a'lam, est que ce hadith ne montre pas cela. Il ne montre pas, le hadith n'est pas clair en cela. Il n'est pas clair. ليس في الحديث ما يدل على أن الصفوف كانت ثلاثة فقط. Il n'y a rien dans le hadith qui montre qu'il n'y avait que trois rangs. ولكن جابر شك أكان في الصف الثاني أو الثالث. هذا الذي نعرف. Cependant, Jabir, il a douté, est-ce qu'il était au deuxième ou au troisième rang? C'est ce qu'on sait. Mais il se peut qu'il y avait un quatrième ou un cinquième rang, ou plus encore, on ne sait pas. Mais il n'y a rien dans le hadith qui nous montre qu'il n'y avait que trois rangs. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith pour dire qu'il est recommandé de faire trois rangs lors de la prière mortuaire. El hadith ou thalith, le troisième hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah, an Abdillah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama salli ala qabrin ba'dama dufin fakabbara alayhi arba'an. Et donc, le troisième hadith que nous cite l'auteur, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à la kobrine, donc sur la tombe d'une personne qui a été enterrée. Il a fait cela Après que celui-ci ait été enterré, donc, et il a accompli 4 takbirat. Et il a fait 4 takbirat durant la prière. Et voilà pourquoi Al-Jamahir, la grande majorité des savants, Al-A'im al-Arba'a, wa ghayruhum, wa sahaba, yarawna jawaz al-salat al-al-qabr. Et c'est pour ça que donc la grande majorité des savants, les 4 imams, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voient qu'il est permis de faire la prière sur la tombe. Pour celui qui n'a pas prié, qui n'a pas pu faire la prière, donc mortuaire avec tout le monde, avant que le mort soit enterré. Avant que le mort soit enterré. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, il disait donc, il faisait le reproche à ceux qui voient que ce n'est pas permis. عندنا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. On a un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui montre cela. Et donc la vie le plus juste dans ce sujet, c'est que cela est permis. Il n'y a aucune prosternation ici. لكن هؤلاء العلماء اختلفوا بعد ذلك. Cependant les savants après cela ils ont divergé. ما هي المدة التي تجوز هذه الصلاة فيها؟ Quelle est la période durant laquelle il est permis de faire cette prière? Quelle est cette période? Est-ce qu'on peut se permettre mutlaqan? Hal yajuz lana an naquma bi hadhihi as-salat mutlaqan? Nous est-il permis de faire cette prière de façon absolue? C'est-à-dire que la personne, tu arrives ici, on te dit, ah, Foulen, il est mort il y a 5 mois. Oh, 5 mois, subhanallah, je n'étais pas au courant. T'as belle où ça tombe? Etc. Et là, tu vas prier sur sa tombe. هذا هو قول عند بعض العلماء. Ça c'est un avis de certains savants. Et un deuxième avis, ils nous disent il a shahrin. Un deuxième avis qui nous disent on a jusqu'à un mois. On a jusqu'à un mois. Un troisième avis, ils nous disent, et ça c'est l'avis qui est connu chez les Ahnaf, حتى إذا غلب على ظن المصلي أن الجسد لم يفنى. Il nous dit donc tant que la personne qui fait cette prière mortuaire sur la tombe, tant que cette personne pense que le corps n'a pas disparu, le corps n'a pas été donc décomposé, désintégré, donc tant que tu penses que le corps n'a pas été décomposé, tu peux le faire. Tu peux le faire. À partir du moment où tu penses, ah non, là, je pense que ça fait un peu longtemps, le corps il a été décomposé, il n'y a plus de corps, khalas, je ne peux pas le faire. Ça, c'est un avis. Et l'avis le plus juste, wallahu a'lam, anna hadhi salat tajuz mutlaqan. L'avis le plus juste, c'est que cette prière, elle est permise de façon absolue. Elle est permise de façon absolue. Pourquoi? لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَهُ وَلَمْ يُقَيِّدِ. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait et il n'a pas donné de limite. فَمَنْ جَاءَ بِقَيْدٍ لَزِمَهُ الدَّلِيلِ. Celui qui vient donc avec une limite, on lui demande la preuve. On lui demande la preuve. خَاسَّةً أَنَّهُ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد موتهم أو بعد دفنهم بثمان أشهر. Particulièrement qu'il a été rapporté dans Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait la prière mortuaire sur les shuhada, les martyrs de Uhud, 8 mois après l'enterrement. Taïb. Donc voilà les frères par rapport à ça, par rapport à ce sujet, Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science profitable. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.